dirais, je suis un économe. Autonome et hâte, un mec de plus à mettre aux normes. Et surtout me dis pas, arrête ton baratin hein. Je te prends au tournant, précis comme un métronome. C'est pas que je veux critiquer tout le temps, je donne mon avis avant. Et puis après, personne n'est ravi. C'est pas que j'aime posséder, j'aime le confort matériel. C'est pas que je veux pas t'aider, j'aime l'entraide individuelle. Si la fumée conserve la viande, envoie le bédo. L'alcool conserve les fruits, donne le sky qu'on se préserve. Quand on m'invite, j'arrive les mains vides, je vais pas t'encombrer. Dans le métro, je reste assis même quand c'est bondé. Faut mieux rien faire que se planter, pour ça je fais des efforts. Dès lors qu'il y a du travail, je reste planté dans le décor. J'ai jamais fait de part égale, c'est pas dans mon concept. Pas la même dose, pas la même taille, pas une miette que je conseille. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? C'est toi sur place. Mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? C'est quoi son place? Hey, franchement t'es pas ton 16 mesures IQ. Sur tout ce passage quand tu dis merde, je m'en rappelle plus. Je suis pas hypocrite mais bon, je voudrais pas te faire de la peine. Et puis t'es chez Cool Chain, donc n'oublie pas quand t'auras les poches pleines. Mes proches se plaignent que le rap français c'est dead. Moi en indé, j'ai vendu plus de 100 000 sans demander d'aide. Seulement t'étais peut-être pas au courant. Moi je me la pète pas, quand je rappe inquiète toi, les têtes se barrent en courant. La modestie m'encourage, mais pas un seul de mes potes. Quand je sonne à 3h du mat, ils me laissent tous sur le seuil de leur porte. Allez écouter, je parle trop et mal. Pourtant je suis trop aimable de montrer aux flics tout le shit en gros émane. La vie ne fait pas le moine, moi je me contente du minimum. Faux ongles, faux yeux et pourquoi pas des seins énormes. Au fait j'ai plus d'unité, prête-moi ton millénium. Je dois juste passer un coup de fil à 50 pour poser sur l'album. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette meuf-là? Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? C'est quoi son blase? Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette meuf-là? Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? C'est quoi son blase? Je comprends pas pourquoi tout le monde y dit que je m'exprime mal. Je parle de la mythologie de l'État qui nous prend pour des animaux. Si on dit que je suis animal, la langue ou le peura, sans rancune, c'est dans notre prochain texte que tu le paieras. Mais si t'es derrière nous, et tu veux croquer, on aura sûrement déménagé. Le jour où tu viendras toquer, sois pas choqué. Mais tu sais bien qu'on n'est pas comme ça. Quand je pense qu'il y a plein de toqués qui disent honnête mais de mauvaise foi. On adore les soirées open bar, quand ils mettent un buffet on se marre. Nous on est venus pour s'empiffrer. Les rendez-vous on arrive en retard, sauf pour la bouffe. De la cuisine. Et c'est pas du bluff. Au studio c'est la même, on écrit sur place. Et le staff gueule, l'espèce c'est pas du taf. Topa, Agnès, oh c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette organisation de merde? Oh un peu taf. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent ce groupe-là? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? C'est quoi leur place? Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent ce groupe-là? Mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? C'est quoi leur place? Spécialiste.